Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 47. De la cause de la colère et de ses remèdes. Que les causes de la colère sont, une action faite contre nous, le mépris, notre propre supériorité, la bassesse de l'agresseur. 1. La colère a-t-elle toujours pour cause une action faite contre celui qui s'irrite? La colère, selon notre définition, est le désir de nuire à quelqu'un pour en tirer une juste vengeance. Il est évident que toute vengeance doit être précédée d'une offense qui nous concerne. Voilà pourquoi on peut dire que la colère a toujours pour cause une action faite contre celui qui s'irrite. Note. Pourquoi donc est-il écrit que Dieu s'irrite contre les pécheurs, qui ne sauraient lui nuire? C'est que les pécheurs agissent contre lui en méprisant sa loi, et nuisent à ceux qui sont sous sa protection. Si nous nous irritons contre ceux qui nuisent aux autres, c'est que nous sommes unis à ces derniers, soit par affinité, soit par amitié, soit, au moins, par communauté de nature. Fin de la note. 2. Le seul manque d'estime ou le mépris est-il un motif de colère? Il est facile de démontrer, par deux raisons, que toutes les causes de la colère se résument dans le mépris. Premièrement, pourquoi nous irritons-nous davantage contre ceux qui nous offensent volontairement et de sang-froid? Si ce n'est parce que nous jugeons qu'ils n'ont pas d'autre mobile dans leur attaque que le mépris? Aussi, quelqu'un nous paraît-il céder à l'ignorance, à une passion, même aux entraînements de la haine, nous nous irritons beaucoup moins contre lui. En second lieu, le mépris semble protester contre notre mérite, suivant le principe que l'on méprise ce qui n'a nulle importance. Or, comme tous les biens que nous possédons sont pour nous un moyen de rehausser notre valeur, les attaques qu'on leur livre nous paraissant dirigées contre notre dignité, nous y voyons encore des preuves de mépris. Note. L'oubli, le manque d'égard, l'annonce d'une nouvelle qui contriste, la joie en présence de nos malheurs, l'opposition, ne provoque notre colère qu'à cause du peu d'estime dont ces procédés sont le signe évident. Fin de la note. 3. La propre supériorité de la personne offensée est-elle une cause de la colère? La colère, dans celui-là même qui s'irrite, provient de deux causes opposées, de sa supériorité et de sa faiblesse. Il est notoire que les hommes s'indignent souvent à cause de leur supériorité. Le mépris est la cause propre de la colère. Plus une personne est éminente, plus il est injuste de mépriser ses qualités. Les hommes qui excellent en quelques points sont, pour cette raison, très portés à s'indigner lorsqu'on les méprise. Du côté de la disposition intérieure, ce sont, au contraire, nos défauts qui nous excitent à la colère, les infirmes, les indigents, tous ceux qui sont soumis à des privations s'irritent facilement, parce qu'ils sont déjà préparés à la tristesse. Note. L'homme qui se sent à l'abri des attaques n'éprouve, il est vrai, ni tristesse ni colère, quand il est méprisé dans une qualité qu'il possède suréminemment. Toutefois, le mépris qu'on lui témoigne est injuste, et, sous ce point de vue, il a sujet de s'irriter, surtout s'il voit qu'on déprécie son mérite par mépris, et non par ignorance ou par quelque autre motif. Fin de la note. 4. L'abaissement de celui qui offense est-il une cause de la colère? Quand l'infériorité d'un agresseur contribue à rendre le mépris plus injuste, elle provoque à la colère, c'est ce qui explique l'irritation du noble contre le roturier, du sage contre l'insensé, du maître contre le serviteur. Mais, au contraire, Lorsque son abaissement ôte à l'indignité du mépris, la colère est diminuée, loin d'être augmentée, et voilà pourquoi l'aveu d'une injure, la reconnaissance d'une injustice, l'humiliation, la prière, fléchissent l'homme courroucé. La parole douce, dit le sage, calme la colère. Proverbe 15:1. C'est qu'un tel abaissement, bien loin d'accuser du mépris, est une preuve de haute estime. Note. Le mépris qui provient de nos amis nous paraît souverainement injuste. Quand ils nous méprisent, nous nous irritons contre eux autant que s'ils étaient nos inférieurs. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.